m'avait dit qu'on aurait de beau lendemain. Tu disais qu'on aurait de beau lendemain. Entre temps, catastrophes, les imprévus, les tremblements, just push the prison's door. See me, hear me. Encore et encore, allongé dans l'herbe à 4 heures du matin. Frères humains qui avec nous vivaient, je me disais, n'ayez contre nous les guerres trop endures, car si de nous pauvres avez, plutôt nous aurons pitié de vous, merci. Je disais, what I need. Committee. say. Les bons lendemains, on les prépare, on les organise avec nos amis musiciens, les Njamins. Quand tu sais que tu ne sais pas, capable d'attendre, capable. Plus espérer un sauveur. You and me, oh yes, yo, oh me, that's about. Au lendemain, nous avions devant nous le futur antérieur. Mais rien n'est écrit si tu l'écris. Pas à ta place. No destiny. Tu voulais quoi? Une nouvelle ère? Une révolution. La sensation. Il fallait un chaos. Destructeur avant création. accrochés aux armes menaçantes. C'est elle qui tue tous ceux qui l'ont compris. Montre ton sang, mère des miroirs, ressemblance. De ver os filhos ser.